Et je ne cesse des fois de l'expliquer quand je donne des cours, parce qu'il y a des femmes qui m'ont dit encore il y a 2 semaines, « Oui, mais Monique, tu sais, le soir, on n'est pas obligé de lire notre Bible quand on est trop fatigué. » Puis ça arrive tellement souvent qu'on est trop fatigué. « Oui, le matin aussi, vous êtes fatigué, hein? » »« Oui. » J'ai dit, « Qu'est-ce que vous faites? » Elle a dit, « Je prie. » J'ai dit, « Comme ça, tu parles à Dieu. » J'ai dit, « Quand est-ce que Dieu te répond? » OK. Parce que j'ai dit, « Dieu, sa façon de nous répondre, c'est par la parole. C'est comme ça qu'il nous répond. » Oh! Elle dit, « C'est vrai, je n'avais jamais pensé à ça. » Alors, vous savez, c'est une communion avec Dieu. Et par la grâce de Dieu, moi, j'ai eu un mari qui aimait beaucoup le Seigneur. Il était très attaché à Dieu. Il avait eu un passé vraiment rock'n'roll dans une gang de motards et tout. Mais il aimait tellement Dieu que lui, il lisait, il disait, « Moi, je mange 3 fois par jour. L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Alors, je mange 3 fois par jour, je vais lire ma Bible 3 fois par jour. Et Gilles était fidèle à la lecture de sa parole. Et on avait pris l'habitude de lire ensemble le matin, chaque matin. On n'a pas passé pas beaucoup de temps qu'on n'a pas lu ensemble. On était presque toujours ensemble en train de lire. Et s'il y en a un, des fois, qui était en retard, qui faisait sa toilette, l'autre lisait dans la salle de bain. Toujours moyen de laisser Dieu nous parler, n'est-ce pas? N'importe où. Alors, au fil des ans, on a grandi. On est parti de Port-Cartier en 91 et on est arrivé à Saint-Hubert. On s'est installé à Saint-Hubert, mais on est venu parce que c'était difficile. Les gens partaient de l'église, il ne restait pas beaucoup de personnes. Mauvaise expérience au pénitencier qui avait été tellement difficile. Et là, on est arrivé dans la région métropolitaine et on a commencé un ministère à Montréal-Nord. On est arrivé à l'église de Montréal-Nord. C'était une église qui était vraiment multiethnique. Pas qu'on les aime pas parce que notre église est comme ça, mais c'était une église aussi qui avait beaucoup, beaucoup de problèmes et qui avait passé 8 pasteurs en 8 ans. Alors, ça vous dit à peu près qu'est-ce qui se passait. Et quand on est arrivé là, on a été vite sur le banc des accusés. En dedans de 5 mois, on avait déjà tout deviné ce qui se passait dans l'église. Et puis, en même temps, Dieu avait suscité, parce que Dieu travaille bien. En même temps, vu que les réunions étaient le soir, nous, c'était le matin. Les réunions étaient le soir à Montréal-Nord. Alors, le matin, on assistait à Saint-Hubert. Et ça a été dans le même temps que M. Petitclerc se demandait s'il n'allait pas changer de place. Alors, M. Petitclerc a donné sa démission. L'Église nous a pris comme intérim. Et là, on a fait Saint-Hubert 27 ans. Là, on a vraiment eu un ministère fidèle. Et tous les autres ministères, toutes les choses qui sont passées avant, je dirais que c'est juste une préparation. Et dans notre vie, on est souvent dans la préparation. Ça me fait penser vraiment à Moïse, qui était 40 ans, que Dieu l'a mis complètement à part. L'apôtre Paul, Dieu l'a mis complètement à part aussi pendant 14 ans. Pas que ces gens-là n'ont pas continué à grandir, mais Dieu les préparait à un autre ministère. Et je pense que c'est comme ça dans toute notre vie. À travers les années, j'étudiais toujours avec Gilles. J'allais à Sembec quand je pouvais quitter la famille. Alors, j'allais à Sembec et là, je prenais des cours. Et je prenais aussi des cours ecclésiocentriques dans mon église. Moi, j'avais un rêve quand j'étais petite. Je voulais devenir professeur. Mais le décès de mes parents, tout ça, ça a complètement cassé mes rêves. Mais j'avais vraiment un désir de dire, bien, j'aimerais ça, moi, enseigner un jour. Ça ne pouvait pas arriver. J'étais rendue à un âge un peu dépassé. Et je ne pouvais pas non plus retourner, faire des études, etc. J'étais toujours dans le nord du Québec. Mais j'ai commencé à faire mon bac en théologie. Et dans la dernière année, en 1999 à 2001, je suis allée travailler dans une grosse compagnie. Et là, ils m'ont formée, puis ils m'ont donné tout ce que j'avais besoin pour être dans la technique, rentrer dans le 20e siècle. 21e siècle. Et là, je suis rentrée dans le 21e siècle, et merci Seigneur, parce que Dieu avait suscité ça, mais j'étais à mon bureau, très bien salariée, et je me disais, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas ça que Dieu a pour moi. Et j'ai parlé avec Gilles à ce moment-là, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu penses si je quittais le bureau, puis j'irais terminer mon bac en théologie? Juste parce que je me sentais pas bien. C'est beau l'argent, mais c'est pas suffisant. Il y a plus que ça. Puis je chantais cet appel-là qui était intérieur, puis je me disais, il faut que j'obéisse à Dieu. Là, je suis en train de faire des choix. Est-ce que je vais faire le choix d'avoir une notoriété dans le monde, un statut social, ou est-ce que je vais faire le choix de servir Dieu, puis moins pareil? Mais j'avais vraiment cette envie-là. Alors, Gilles a dit, ben oui, écoute, il dit l'argent, là, c'est pas ça qui est plus nécessaire dans la vie. Et lui, il était d'accord avec moi. Et je peux vous dire qu'il était vraiment un encouragement. Gilles a été toujours un encouragement pour que j'étudie la Bible, toujours. C'était vraiment merveilleux. Alors, j'ai terminé mon bac en théologie en 2004. Et 2003. Et Gilles, dans le même temps, on était rendu à un moment où ça faisait longtemps qu'on était à l'église, puis on se demandait, est-ce que les enfants étaient partis de la maison? Est-ce que c'est le temps, peut-être, d'aller en mission? On est parti pendant 3 mois, et on est allé en Belgique, on a remplacé des missionnaires, et là, on était sur le milieu de la mission, on est allé visiter plusieurs églises, Gilles prêchait, des fois, il allait son témoignage, etc., l'évangélisation avec les gens. Et quand on était là, on s'est comme rendu compte que c'était pas nous. Nous n'étions pas faits pour la mission, c'était pas notre endroit. Et Dieu remettait dans notre cœur encore plus la mission pour le Québec. Alors, nous sommes revenus au mois d'août 2003. Et là, quand nous sommes revenus, là, on a demandé à l'Église, parce que l'Église se demandait, est-ce que vous restez, restez pas. On avait vendu notre maison, storé nos affaires. Et finalement, on est allé à l'église et l'église a dit, non, on veut vous avoir. Et on est rentré encore à l'église cet hiver et on a continué jusqu'en 2018. Alors, je loue le Seigneur pour ça. Et pendant ce temps-là, bien, les choses ont changé. Là, le Seigneur m'a appelé à l'Association des églises baptistes, où j'ai travaillé souvent avec Benoît, entre autres. Et j'ai travaillé avec le conseil d'administration, avec le directeur qui était là, Michel Habib. Ensuite, ça a changé pour Gilles Lapierre et aujourd'hui, c'est Louis Bourque. Et juste pour vous dire que c'était encore là, c'est une formation parce que tu es formé à travers les gens que tu côtoies. Hein? Tu es pas mal formé. Et Dieu me mettait toujours en position avec des hommes. Ça, c'était assez spécial, mais quand même, Dieu a fait son chemin. Et pendant ce temps-là, en 2006, 2007, 2008, je me questionnais parce que je regardais un peu l'Église du Québec puis je me disais, c'est drôle parce qu'on est appelé à grandir, à avoir la connaissance de Jésus-Christ. Puis comme j'étais dans le milieu de Sembec, tout ça, je voyais que tout était masculin. Je me disais, mais les femmes ne sont pas initiées à apprendre les Écritures, mais dans le monde, on les envoie à l'université, il y a plus de femmes. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'ai commencé à poser des questions. J'ai parlé avec mon frère François Turcotte, François Picard à l'époque. Puis là, on a commencé à dire, c'est vrai que pourquoi les femmes ne sont pas instruites? Puis on voyait aussi une réalité, c'est que le nombre des divorces augmentait. Et ça, c'était triste. On se disait souvent, avec tout ce qu'on avait vécu un peu partout, on voyait qu'il y avait un changement qui se faisait, mais que les femmes s'en allaient sur le marché du travail, mais ils ne grandissaient pas dans leur foi pour plusieurs. Alors, il y avait comme une dichotomie. Alors, c'est là qu'on a commencé le premier programme, qui était un programme de formation Priscille, où les femmes pouvaient venir étudier la Bible et avoir un certificat. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a pas mal de femmes qui sont en train d'étudier et on voit des changements de valeurs incroyables. Moi, j'en reviens juste pas. Chaque fois que j'enseigne, je vois des femmes qui sont en train de changer leurs valeurs. Alors, je vais vous présenter un peu mon ministère. Je ne sais pas où ce qu'il est. Ah, il est là. Alors, on m'appelle coordonnatrice des ministères féminins. J'ai commencé ce ministère-là officiellement l'automne dernier. Alors, c'est un nouveau ministère. Avant, vous saviez, j'étais la présidente du ministère Flamme. C'est associé au ministère Flamme, c'est toujours des femmes libres et actives pour les multiples ministères évangéliques au Québec. Et c'est regroupé en 3 catégories. Alors, on a la formation, le réseautage et le comité d'événements et des ressources. Alors, je m'occupe un petit peu plus de tout ce qui a trait aux femmes au Québec. Et dans ce ministère-là, la coordonnatrice, je fais les comités d'événements avec un sous-comité. C'est les retraites annuelles au printemps, et on va en avoir une prochainement, je vais vous l'annoncer tout à l'heure, et dans les camps. Dans les camps, à l'automne, on va au camp Patmos et on va au camp des Bouleaux. Alors, une retraite, c'est 3 jours, on est ensemble, on entend la parole de Dieu, on chante, on fait des jeux, on mange ensemble, on partage ensemble, on prie ensemble, c'est vraiment, vraiment un bon temps. Puis, le ministère envers les femmes d'ouvriers, alors on a eu quelquefois des rencontres avec les femmes d'ouvriers. Très difficile de les réunir parce que les femmes d'ouvriers sont aussi occupées et elles sont un petit peu plus disparate, sauf la région de Montréal. Alors, mais on a tenu quand même quelques places. Et ce qu'on a dit avec les femmes d'ouvriers, ce qui fonctionne bien, c'est le Facebook. Fait qu'on s'est fait un Facebook ensemble et on se communique. Et là, on s'envoie les nouvelles, on prie les unes pour les autres. Alors, je pense que ça répond quand même à certains besoins. Et il y a la formation Priscille sur 7 ans. Puis, il y a aussi le micro-programme qui vient de partir il y a à peu près 3 ans. Il y a le réseautage, c'est-à-dire qu'il faudra former des nouvelles formatrices parce que je suis presque la seule qui enseigne. Et je vais avoir un âge honorable bientôt. Le gouvernement va me le dire. Alors, c'est juste pour dire qu'il faudra qu'on forme des nouvelles formatrices, ça c'est sûr. Et puis, il y a les responsables des régions, et ça, on a commencé à travailler avec les responsables des régions, c'est-à-dire des femmes qui sont responsables dans leur région du ministère des femmes, ce qui va, ils vont organiser des conférences, des cours, etc., pour que les femmes puissent grandir. Alors, dans le réseautage, il faut que je trouve des donateurs pour supporter mon ministère comme coordonnatrice. Ensuite, il y a rechercher et mettre en place des coordonnatrices de région qui feront le lien avec les ministères. Et ça, c'est important parce que ces personnes-là ont un impact avec les autres femmes. Alors, moi, je ne peux pas être partout, fait que je dois travailler avec des femmes qui sont dans différentes régions. Et je vous dis qu'à date, ça fonctionne très bien. Et ensuite, on a aussi recruté et formé des enseignantes pour les cours. Alors ça va être dans mon réseautage, c'est mon travail, il faut que je fasse ça. Et dans la formation Priscille et micro-programme, alors je dois travailler conjointement avec l'équipe SEMBEC pour superviser les groupes de formation. Alors la formation Priscille, il y a un premier groupe qui a terminé en 2017. Elles ont fait 7 ans de formation. Il y a un deuxième groupe qui termine au mois de mars. Fait que c'est quand même, merci Seigneur pour ces deux groupes-là qui ont bien travaillé. Ensuite, c'est superviser les groupes du micro-programme pour femmes, et je vous expliquerai ce que c'est. Apporter des améliorations continues aux différentes formations. Nous devons constamment aussi s'ajuster. Et quand un professeur enseigne, il trouve toujours, pourquoi je n'ai pas parlé de ce verset-là? Pourquoi je n'ai pas amené ce côté-là? Et puis, on continue, nous, à être formés. Alors, on améliore notre formation. Enseigner des cours aux différents groupes et faire le suivi. Et vous allez voir que je me promène un petit peu dans le Québec. Dans le micro-programme, ce qui est intéressant, c'est que c'est moins lourd que dire je vais prendre un programme de 7 ans. Alors, c'est un programme sur 2 ans. Mais c'est un petit programme parce que ça concerne 4 cours seulement. Et chaque cours est suivi sur 2 week-ends. Moi, je pars comme cette semaine, là, je suis partie vendredi après-midi, je suis allée à Pierrefonds. On a commencé le cours vendredi soir. Je suis revenue à la maison. Quand je ne suis pas à l'extérieur, je reviens à la maison. Et puis, le matin, je suis repartie 7h30 dans mon auto pour reprendre le cours à 8h30, puis on a terminé à 5h. Fait que ça, c'est, ils ont déjà fait, juste une fin de semaine comme ça, ils ont déjà fait la moitié du cours. C'est quand même, tu sais, l'équivalent de 1,5 crédit, c'est quand même beaucoup. Fait que ça se fait très bien et il y a des femmes qui sont contentes. Alors, ils peuvent le prendre avec ou sans unité. Alors, le coût change si tu le prends ou non, ce qu'on veut dire crédit. Puis, il y a des mises à jour. Bien, il y a 2 groupes qui ont déjà terminé. Alors, moi, je loue Dieu pour les groupes qui ont terminé. C'était vraiment agréable. Et moi, Dieu me permet de visiter des femmes d'un peu partout. Je peux vous dire que quand on est juste dans notre église, on est un peu concentré sur les gens qu'on connaît. On voit un environnement qu'on connaît. Mais quand on se promène d'une église à l'autre, comme je fais, puis je vais voir différentes personnes, je vois les réalités différentes. Il y a tellement de réalités différentes. On arrive dans des églises, c'est toutes des jeunes. Il y a un autre message. Le paradigme a changé. Les jeunes ne pensent pas comme nous. Les jeunes pensent d'une autre façon. Et il faut les atteindre, ces jeunes-là. Parce que les jeunes n'ont pas la même mentalité que nous autres. Vous savez, quand nous, par exemple, j'ai un de mes cours qui est philosophie chrétienne de femme, et je parle du féminisme. Mais les jeunes, le féminisme, ça ne leur dit rien. Ils ont grandi dans le féminisme. Alors, eux autres, ils n'ont jamais connu la lutte entre l'âge des années 1960, mettons, aller jusqu'aux années d'aujourd'hui. S'ils sont nés en 80-90, ils sont dans le féminisme. Alors, ils ne comprennent pas que nous autres, on a eu un choc de valeurs. Alors là, on lui amène le choc des valeurs, puis on lui amène en même temps le plan de Dieu dans Genèse et on l'apporte dans une autre façon. Mais c'est vraiment intéressant, mais plus je me promène et plus je réalise justement qu'il y a beaucoup de dichotomies dans notre langage entre chrétiens, dépendamment d'où on vient. C'est pour ça qu'on a besoin constamment de revenir à un seul langage, et j'en suis convaincue, c'est la parole de Dieu. Quand on s'unit, n'importe où, là, dans mon église, on a à peu près 7 ethnies différentes. Il y a une grande partie québécoise, mais beaucoup d'ethnies différentes. Et savez-vous ce qui nous unit? Jésus-Christ. C'est vraiment ça qui nous unit. C'est fantastique. Alors, quand on reste avec le Seigneur, on peut enseigner ce que le Seigneur a à dire. Et c'est lui qui fait autorité. Et à l'automne 2018, l'automne dernier, j'avais 75 femmes qui étaient en formation à différents endroits. Alors, c'est quand même quelque chose. À l'automne 2018, j'avais Pierrefonds, Bécancour, Mont-Laurier, Rive-Sud de Montréal et Gatineau. Alors, j'ai voyagé. Je me suis promenée d'un bord puis de l'autre. Mais ces femmes-là, c'était formidable le travail qu'elles ont fait. Et puis, à l'hiver, printemps, cette année, j'ai 45 femmes qui sont en formation, un peu partout. Et là, je me promène, Emmanuel Pierrefonds, Mont-Laurier. Puis, j'ai un groupe Priscille aussi qui termine son 7 ans au mois de mars. Et aussi la rive sud de Montréal. Ce qui est agréable, c'est que c'est à côté de chez nous. Ça me prend 2 minutes d'y aller. On fait ça à mon église. Et on regroupe toute la rive sud le lundi soir seulement pendant 10 semaines. Alors, on a fait le projet pilote l'année passée. Ça a bien fonctionné. On a dit qu'on va continuer ce programme-là. Et les femmes sont vraiment, vraiment intéressées. Les sujets du micro-programme, bien, c'est une philosophie chrétienne de la femme. On part à partir de la Genèse, puis on s'en va jusqu'au féministe d'aujourd'hui. On fait un peu le portrait des différents personnages. C'est vraiment un éventail qui est très, très large. Je loue tellement Dieu, là, parce que les femmes doivent faire leur propre philosophie quand elles ont terminé le cours. Et je lis des témoignages de femmes qui disent, « Mais ça m'a délivrée. Moi, je pensais que Dieu était dur envers les femmes. » Il y a des mentalités, c'est forgé. Il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas libres. Ils pensent que, puis ils se le font dire hein, souvent par les non-croyants, « être chrétien, c'est être restreint. » Mais non, être chrétien, c'est être libre. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Et là, ils comprennent la liberté. Et beaucoup de passages sont tellement mal expliqués. Alors, on enseigne la parole de Dieu et je bénis Dieu pour les changements qui se passent. Le deuxième, c'est la femme dans son milieu de vie. Ici, on travaille à un niveau encore plus large. On regarde, par exemple, le fondement. C'est quoi le fondement de notre vie? C'est quoi que Dieu s'attend de moi? C'est quoi sa volonté pour ma vie? Ensuite, on travaille sur la vision du monde. Mais pourquoi on pense différemment? C'est quoi les mentalités dans le monde? C'est quoi la mondialisation? Savez-vous, c'est quoi la mondialisation? Des fois, on ne se pose pas la question. Mais on vit dans un monde qui est chaotique à l'heure actuelle, le genré qui est rentré en plus, et le cannabis hein, au Québec et un peu au Canada. Et on voit qu'on est dans des changements et il faut les aborder, ces changements-là, parce que si on ne les aborde pas, les gens, c'est ça qu'ils vivent dans leur quotidien. C'est ça qu'ils vivent avec leurs enfants qui vont à l'école. Alors, on a besoin d'aborder les vrais sujets. Ensuite, les femmes, ce qu'ils font, c'est qu'ils font aussi leur historique de vie. Qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie pendant 40 ans? Qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie pendant 50 ans? Quels ont été les éléments marquants, les éléments qui m'ont marqué, que j'ose pas dire à personne, mais ça a été un événement marquant, joyeux ou malheureux. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Quelle constatation que j'en fais pour le reste de ma vie? Et comment je vais bâtir ma vie pour le futur? C'est quoi je veux être dans 5 ans? C'est quoi je veux être dans 10 ans? Moi, j'ai moins d'années, là, je vais mettre 5 ans à la fois. Mais qu'est-ce que je veux être plus tard? Puis qu'est-ce que je fais pour arriver là? Peut-être que, tu sais, souvent, dans les cours que je donne, les femmes disent, « J'ai jamais été régulière dans ma lecture de la Bible. Bien, j'ai décidé de le mettre comme un objectif de vie. Je ne dois plus me passer de Dieu. » Et là, ça fait partie de leur objectif et je vois des changements. Parce que quand on s'approche de Dieu, qu'est-ce qui arrive? On est rayonnant de joie. Alors, notre vie change. C'est merveilleux. Alors, la parole de Dieu vient, les affranchit, leur donne la liberté, la joie et la paix, peu importe les circonstances qui arrivent. L'autre cause, c'est influente dans sa communauté. Alors, influente dans sa communauté, c'est vraiment le ministère dans l'église locale, le ministère de la femme en général. Et avec nos dons, où est-ce qu'on peut travailler? Il n'y a presque pas de limite, vous savez. Il n'y a presque pas de limite. Les femmes sont tellement maintenant scolarisées. Et ensuite, on fait une partie qui est la justice sociale. La justice sociale, vous connaissez très bien ça, les gens de Saint-Hyacinthe. Alors, comment on peut aider notre communauté? Comment on peut être engagé dans notre communauté? C'est quoi les principes de Dieu par rapport à la communauté? C'est quoi les pièges aussi de rentrer dans cette communauté-là? Alors, c'est très, très intéressant. Est-ce qu'on fait juste des bonnes œuvres pour la communauté ou bien on fait connaître le Seigneur à travers nos bonnes œuvres? Tout un travail qu'on fait. Mais on veut être de plus en plus marqué les gens autour de nous. Un des problèmes du Québec, c'est qu'on n'a plus vraiment d'évangélisation qui se fait d'une manière régulière. Et on voit des églises, des fois, qui s'appauvrissent parce qu'il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a plus cette vie-là là, motivée. Là. Moi, j'étais mariée avec un évangéliste, fait que je sais comment il était. Lui, il pleurait pour les âmes. Là. Mais on a besoin de ça. Et si on peut aller travailler avec la communauté ou qu'on peut même partir un projet pour la communauté, ça redonne ce goût de l'évangélisation. Puis, il ne faut pas penser qu'il n'y a plus personne à sauver. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur n'est pas revenu. Ça veut dire qu'il y a encore des gens à sauver. Puis moi, je le vois dans mon église, là, on a des nouveaux chrétiens, des jeunes, là, puis ah, tellement fun de les voir, là, puis c'est des réveils, c'est incroyable. Et je prie, Seigneur, qu'on continue à voir ça. Et le prochain, c'est l'accompagnement pour la croissance spirituelle. Ici, on parle surtout du mentor, du coaching et du counseling. Alors, on travaille avec les personnes à trois niveaux. Et l'accompagnement spirituel, c'est ce qui fait que tu vas croître dans ta vie chrétienne. Malheureusement, souvent, le discipulat arrête après un cours. Et là, on laisse les gens, ils ont pris un cours, c'est fini. Mais on peut faire plus qu'un cours. On peut continuer à accompagner les gens, on peut continuer à être avec eux. Et on fait ce travail-là. Et je trouve ça intéressant, c'est des cours qui sont motivants pour les gens. Le défi de Sembec, vous savez, c'était 200 ouvriers. Eux autres, il y avait ce défi-là qui se sont mis en 2015, je pense. Ils ont dit, sur 10 ans, on va former 200 ouvriers. Ensuite, ils ont dit, on va former dans les églises 200 anciens et 200 femmes. Ça, c'était leur projet, eux autres, pour la formation. Alors, ils ont eu 35 ouvriers qui sont vraiment embarqués puis qui vont devenir des ouvriers. Il y en a qui sont déjà attachés à des églises, sont en train d'étudier. Alors, on est en 2019, il lui reste 6 ans pour aller chercher 165 ouvriers. Alors, ils pensent qu'ils n'y arriveront pas. Ils ont 50 anciens dans les églises qui sont en formation puis qui suivent des formations pour de plus en plus devenir anciens. Et on a 206 femmes en formation. On a dépassé toutes les attentes. C'est sûr qu'on ne fera pas des pasteurs avec les femmes. Oubliez ça, là. Moi, mes convictions sont très claires là-dessus. Mais, moi, ça me dit une chose. Quand les femmes vont bien, c'est les piliers dans leur foyer. Ça va bien aller dans le foyer. Ça va aider à tous les niveaux. Je suis convaincue de ça. Allons au cœur. Quel est le cœur? Et les femmes ont besoin de connaître Jésus-Christ, ils ont besoin de connaître où est leur place. Ils ont besoin de savoir qu'elles sont importantes et uniques. C'est incroyable. Si on ne fait pas ça, on est en train de travailler à côté. Moi, ce qui m'a touché beaucoup dans toute l'étude que j'ai faite de la parole de Dieu, puis dans les cours que je donne, j'étais vraiment impressionnée du fait qu'il y avait trois mots que je vais vous donner. Je ne vais pas vous faire un cours parce que je ne suis pas ici pour ça. Mais dans le Nouveau Testament, on utilise le mot « aner », qui est en grec, pour dire un homme, qui identifie vraiment que Dieu s'adresse à un mâle. Puis, on utilise le mot « goun » pour la femme. Ça, c'est vraiment une femelle, OK? C'est les deux mots. Mais quand Dieu veut s'adresser à tous, il utilise le mot « andropos ». Fait que moi, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches là-dessus parce que souvent, il y avait des versets, je me disais, est-ce que ça s'adresse vraiment aux hommes ou ça s'adresse à hommes et femmes? Et souvent, il y a des versets, parce que le mot « homme » apparaît, on le prend tout de suite comme étant, OK, ça s'adresse qu'aux hommes. Ça faisait beaucoup de passages bibliques qu'on mettait presque de côté parce qu'on disait c'est pour les hommes. Fait que ça, c'est pour la formation des hommes. Ça, c'est pour la formation des hommes. Fait qu'on, on faisait un peu une petite séparation. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup. La plupart des mots, c'est andropos. Oui, parce qu'on est tous appelés à être disciples de Jésus-Christ. Puis dans ma recherche, encore là, j'ai tellement aimé, parce qu'il y a aussi l'autorité que Dieu donne. Dieu a appelé des disciples. Clair et net, il les a appelés, et il les a appelés, il leur a donné un mandat d'aller prêcher l'Évangile, de l'accompagner lui pendant 3 ans, d'être formé, prêcher l'Évangile, et c'est Pierre qui était le premier à donner un grand message. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans Luc, Luc relève le fait que les femmes accompagnaient les disciples et servaient. Considérées comme les disciples. Et quand on retrouve, ce que j'ai trouvé intéressant, quand on retrouve dans Actes 2, il y a 120 personnes qui sont là, puis qui attendent la venue pratiquement du Saint-Esprit, mais elles ne le savent pas. Et qu'est-ce qui arrive dans ce, avec ces 120-là? Il y a des hommes et des femmes. Puis quand le Saint-Esprit vient, là, il descend sur les hommes et les femmes. Les deux. Alors nous, les femmes, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Au même titre que n'importe quel homme. Sauf que dans l'Église, Dieu a donné des rôles qui sont différents. Et tous ces rôles-là, on les retrouve aussi dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament aussi, Dieu donnait des rôles, mais à des hommes aussi. Et moi, là, je bénis Dieu pour les hommes. Je travaille à l'heure actuelle avec les hommes dans mon Église. Je suis diaconesse avec les diacres. Et je bénis Dieu pour les hommes que Dieu a mandatés, qui ont donné l'autorité dans l'Église. Et moi, je sais une chose, et c'est mon ministère pour le reste de ma vie. Je suis convaincue que Dieu, dans son plan d'amour, dans Genèse 2, a décidé que la femme serait une aide. Et ce n'est pas un petit mot, être une aide. Parce que souvent, c'est associé au secours. Et les femmes dans l'Église sont des aides précieuses. Les femmes auprès de leur mari sont des aides précieuses. Et quand elles sont remplies de l'Esprit et qu'elles comprennent quel est leur rôle, c'est fantastique, c'est merveilleux. Quel équilibre que ça donne. Des couples qui sont radieux, qui servent ensemble, puis qui aiment Dieu. Des églises qui sont radieuses, puis qui prêchent l'Évangile ensemble, hommes et femmes. Pas de lutte de pouvoir. Fantastique. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut voir. Et ça, c'est l'Évangile, l'Évangile vécu au quotidien. Alors, c'est pour ça que je fais ce ministère-là, et je bénis Dieu, il m'a donné ce ministère-là. Savez-vous, le Seigneur m'avait préparé à ce que Gilles s'en aille. C'est triste d'une certaine façon, mais chaque jour, je bénis Dieu parce que, comme tu m'as dit ce matin, je suis très occupée. Le fait que j'étais déjà occupée, j'étais même très occupée quand Gilles est tombé malade. J'ai tout arrêté pendant 5 mois. Mais après, j'ai repris mes occupations et j'ai dit, Dieu, tu m'avais déjà dit qu'est-ce que je devais faire dans la vie. C'est ce que je dois faire. Alors, continuez de prier pour les femmes du Québec pour qu'on puisse être vraiment un support parmi nos églises, parmi nos familles et qu'on puisse conduire des âmes à Jésus-Christ. Merci beaucoup.